Bonjour à tous. Aujourd'hui, un podcast particulier, podcast science en live, une après-midi, une fin d'après-midi radio dessinée. Podcast science est dans le 93. Donc, Alan a décidé d'apprendre aux jeunes du 93 qui ne savent pas compter à compter. Il n'y a pas que les jeunes qui savent pas, qui sachent pas compter. Au-delà de, il y a une vie après le 69. voilà. Donc, nous sommes en Seine-Saint-Denis dans un stage organisé par une association qui s'appelle Science Ouverte, pour laquelle je travaille. C'est une association qui est donc ancrée dans ce département-là et qui organise entre autres un stage pour des jeunes de seconde qui veulent passer en première S. Et pendant 15 jours, au lieu d'être en vacances, ils ont des cours de maths, des conférences, des ateliers de recherche sur des sujets mathématiques qu'ils vont nous présenter. Je prends ce micro, il est vachement mieux. Je ne sais plus ce que je disais. Donc voilà, c'est ces jeunes-là qui vont avoir beaucoup la parole aujourd'hui. Ils vont nous présenter leurs sujets de recherche sur lesquels ils ont travaillé pendant les 15 jours. Alors pas les journées entières, mais pas mal de temps quand même. Et puis on va parler un petit peu de l'association et tout cela sera dessiné. Alors de présent ici à Bobigny aujourd'hui, nous avons notre Nico Tup dictatorial. Bonjour. Il y a Alan, qui est venu de Suisse exprès pour apprendre à tout le monde à compter. Et puis nous avons deux dessinateurs, nous avons Fip et Mel, qui ont fait le déplacement. et qui parlent dans le micro, c'est la première fois qu'on va entendre vos voix. voilà, alors je vous propose de démarrer tout de suite. Juste une petite remarque avant de commencer, puisqu'on est très fiers de nous. C'est l'émission 180. Et donc, nous sommes renseignés avec Nico pour avoir quelque chose d'important et de très intéressant à dire. 180 est un nombre brésilien, ce qui nous a semblé quand même particulièrement d'actualité. Puisqu'alors, un nombre brésilien, ça va être... Hein, et il est 8 fois brésilien, parce qu'il y a plein de nombres qui sont brésiliens. On s'est renseigné, on était déçus, tous les nombres sont brésiliens pratiquement. Mais lui, il est 8 fois brésilien, ce qui est tout de suite beaucoup mieux. Alors, un nombre brésilien, c'est pas un nombre qui joue au foot, c'est un nombre qui peut s'écrire avec un seul chiffre dans une autre base. Je sais pas si c'est très très clair. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, dans la base 10 d'abord, 333 par exemple, c'est brésilien, parce qu'il n'y a que des 3 qui le composent. 444 pareil, 556, etc. Et sauf qu'un nombre, on peut changer de base. On peut, plutôt que de compter en base 10, on peut compter en base 20, comme quand on dit 80 par exemple. Et donc 180, si on l'exprime en base 89 avec 89 doigts, ben ça s'écrit 22. Voilà. Donc il y a deux fois le chiffre 2. C'est un nombre brésilien. Voilà. Donc c'est un nombre qui s'écrit avec un seul chiffre répété, évidemment. Voilà. Mais dans d'autres bases. Voilà. C'était très intéressant. Alors je propose de passer à un sujet plus intéressant. On va accueillir le premier groupe qui va nous présenter son sujet de recherche. Alors, je sais pas, présentez-vous et puis... Oui, vous allez vous présenter, juste dire vos noms, et puis après vous démarrez le sujet. Bonjour, moi c'est Richard. Moi c'est Elisa. Bonjour, moi c'est Vincent, du lycée Colbert. Et moi c'est Hakim. Donc, on va vous parler du sujet qu'on a traité pendant la semaine. Donc on a choisi le sujet de Double. Donc à la base c'est un jeu de société, c'est un jeu de rapidité en fait, où on a des symboles sur des cartes et où... chaque carte a un symbole commun avec une autre carte. Avec une autre carte. Et donc, forcément, quand on tire deux cartes, le but, en fait, c'est de trouver le symbole le plus rapidement en commun. Donc, voilà. Donc, en fait, on a juste voulu... trouver le symbole qui est le même sur les deux cartes. Voilà, c'est ça. Le plus vite possible. C'est ça. Et donc, on a essayé de voir ça un peu sous un angle mathématique. Donc, on a recherché des formules pour voir un peu comment ça se construisait. On a essayé de voir comment est-ce que ça fonctionnait, le rapport entre les symboles, les cartes et le jeu, enfin le paquet. Donc voilà, je pense que je vais laisser Vincent parler. Bonjour. Tout d'abord, on a essayé de comprendre déjà le jeu de société pour après le refaire avec d'autres, avec plus de cartes, moins de cartes, d'autres symboles. Donc on avait remarqué, on avait déjà regardé ce que nous donnait la règle. Donc il nous disait 55 cartes et on ne connaissait pas le nombre de symboles, on connaissait pas, mais on connaissait le nombre de symboles par carte. Donc on a essayé de trouver, c'est un peu dur à s'imaginer, mais disons qu'on prend vu qu'il y a 8 symboles par carte, chaque symbole est présent 8 fois dans le jeu. Donc disons qu'on prend ces 8 cartes où il y a le par exemple le symbole le petit cheval par exemple. Donc tous les autres symboles qui seront présents sur les cartes sont forcément différents puisque le symbole en commun c'est forcément le cheval à chaque fois. Donc on a au moins 8 cartes, donc 7, on ne compte pas les chevaux, donc on fait 8 fois 7, 56. Et si on rajoute le cheval présent, vu qu'on ne l'a pas compté, ça nous fait 57 symboles. Donc on sait qu'il y a 57 symboles. Et après, on peut en déduire, on peut en déduire très simplement que s'il y a 57 symboles, il y a forcément 57 cartes. Et donc on peut le recréer sous d'autres échelles. Juste une remarque, tu dis il y a forcément 57 cartes, mais t'as dit qu'il y avait 55 cartes dans le jeu ? Ouais, parce que le jeu en fait est truqué. C'est-à-dire que, pour des raisons de coût, il manque 2 cartes dans le jeu. Ah, vous êtes renseigné, c'est pour des questions de coût ? On s'est renseigné. Vous avez contacté les fabricants, tout ça ? Ouais, enfin des gens avant nous l'avaient déjà fait, et donc on a récupéré l'information, et oui, donc pour des raisons de coût, ils ont truqué le jeu. Donc il y a des symboles qui n'apparaissent pas le même nombre de fois que... les autres. Donc voilà. Alors on peut faire aussi un jeu avec 2 cartes. On va faire ça avec pour n'importe quel nombre. Donc si on prend un symbole, par exemple le cœur, on le note K. Les autres symboles sont forcément égaux à K moins 1. Il y a 8 symboles en tout, on en prend un, il en reste 7. 8 moins 1. D'accord, là c'est pour calculer. Pour n'importe quel nombre en fait. Et donc ça fait K fois K moins 1. Ouais. Qui donne k au carré moins k. Ouais. Et comme il reste un cœur, on fait k au carré moins k plus 1. D'accord, donc ça c'est pour savoir combien il y a de cartes, non, combien il y a de symboles quand on sait combien il y a de symboles par carte. Voilà. Combien il y a de symboles en tout quand on sait combien il y a de symboles par carte, c'est ça ? Voilà. En gros, on peut trouver le nombre de cartes et le nombre de symboles. C'est ça. Donc on fait un lien entre les deux, quoi. Voilà, et ça c'est pour n'importe quel nombre. D'accord. OK. Donc là vous avez une formule qui lit le nombre de symboles par carte et le nombre de symboles. Bah, on a aussi essayé de chercher pour voir si on pouvait faire un jeu avec 2 symboles en commun par carte. On a réfléchi de la manière suivante. Comme quoi, on allait coupler 2 symboles. Ça fait qu'au lieu d'avoir 8 symboles dans chaque carte, il n'y aurait que 4 symboles. Vu que un symbole possède 2 symboles lui-même. J'ai pas compris. Un symbole possède 2 symboles. Attends. Refais-le. Alors, on voulait faire un jeu avec 2 symboles en commun. Ouais. Genre, le but du jeu était de trouver les 2 symboles. D'accord. Et donc, on allait coupler chaque symbole avec un autre. Ouais. Ce qui fait que deux symboles représentent au final un symbole. D'accord. Ça fait qu'au lieu d'avoir 8 symboles, il n'y en a que 4. D'accord, oui, en fait, ça marche aussi simplement que ça. Par exemple, un nouveau symbole, le petit cheval et la bouche. Et donc, D'accord, mais sauf que le petit cheval peut être associé à une autre. Non, pour parce une autre, que pour une si autre. On... Non, c'est forcément 2 symboles en commun par carte. Par exemple, je ne peux pas avoir... la combinaison un cheval, une bouche et aussi un cheval et un petit bonhomme, disons, c'est pas possible. Parce que si on garde la règle, si c'est 2 symboles en commun, prendre un exemple. On peut s'imaginer de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait un couple avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on a une autre carte où on a 1, 2. Et puis ensuite, on a des tas d'autres nombres. Des tas d'autres combinaisons de chiffres. Donc finalement, en fait, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que ça. C'est difficile à imaginer, mais 1, 2 n'est pas la même chose que 2, 1. Ah si, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je comprends, mais... Non mais c'est pas la même chose que 2-1 dans le bon. Ouais bon, ah, non, en gros on enchaîne. En gros, c'est assez compliqué, c'est assez compliqué. Donc disons qu'en fait c'est plus petit, donc on a trouvé une autre formule qui nous permet de... En gros c'est une autre formule, je sais pas, tu peux la montrer. Enfin tu peux nous la dire, en gros... On a trouvé une autre formule, donc on peut connaître le nombre de cartes et le nombre de symboles différents. Vous avez résolu toutes les questions que vous vous êtes posées ou pas ? Bah non, parce qu'en fait, après, c'est simple. En fait, c'est simple de trouver le nombre de cartes, le nombre de symboles, mais après, dès qu'on passe... Vas-y. En fait, pour conclure, le seul truc sur lequel on ne s'est pas trop attardé, parce qu'on n'a pas eu trop le temps, c'est... on voulait... Ouais, et que c'était compliqué. C'est essayer de projeter le jeu dans un repère géométrique. D'accord. Donc finalement, en fait, ce qu'on a pensé, c'est que si on imagine qu'une droite est une carte, les intersections sont des symboles. Enfin, et donc, à partir de là, on peut imaginer, enfin, on peut avoir la vue du jeu de façon géométrique. Parce qu'en fait, le problème, enfin, le plus gros problème, c'est de. Après, on peut connaître le nombre de cartes, le nombre de symboles, mais le plus gros problème, c'est après de le créer, parce que après, faire les combinaisons, les créateurs, ils ont pris un certain nombre de temps, et surtout, ils l'ont fait avec un ordinateur. Nous, avec notre papier. D'accord, pour fabriquer les cartes après. Ouais, oui. Parce que c'est pas évident. Mais on va conclure, hein, mais allez-y, un dernier mot chacun, mais c'est tout. Je crois qu'on va s'arrêter là. C'est ce que tu voulais dire. C'est un scandale. Rien à ajouter. Non, rien à ajouter. Bon, merci. Enfin, je sais pas, moi j'ai quand même globalement compris votre sujet, donc c'est balèze parce que sans images et tout, c'est pas mal. En même temps, je connaissais déjà, c'est bon, vous qui connaissiez pas, ça va? Les dessinateurs, ça vous a inspiré? Bon, on a d'abord eu bien sûr un petit commentaire sur la technique de la part de FIP qui nous annonce un tremblement de terre dans le monde du podcast. On voit des lapins d'ailleurs qui sont sur le point de mourir. Ah, dit l'un, arg, dit le second. Podcast Science commence avec moins d'une heure de retard. Ils n'ont pas l'habitude. Du coup, ils ont un peu mal à démarrer, forcément. En général, ils ont une heure pour se chauffer, mais ils sont quand même en forme. Hein. Un deuxième dessin de FIP où on voit un lapin qui s'adresse à un 180. Il lui demande, mais donc, pourquoi êtes-vous un nombre brésilien? Et le 180 répond, parce que je m'appelle Rayo. Normal. Le même lapin, un peu intrigué, demande au 55 s'il est un nombre spécial. Et le 55 avoue qu'en réalité, il est un 57. On a un dessin de Mel également. Superbe dessin, d'ailleurs, où on voit un Robin très en forme en train de procéder à une interview. Donc, des élèves de seconde utilisent des jeux de cartes pour faire des maths. Et l'élève avoue dans le dessin que c'est quand même moins chiant qu'en cours. Et puis, une nouvelle production de FIP. Un lapin un peu perdu qui commence une phrase. Tu veux nous le décrire? Oui, alors c'est le lapin effectivement qui ne sait pas très bien comment démarrer son interview et qui regarde une pièce des petits chevaux. La pièce des petits chevaux explique « Non, je ne suis pas le bon petit cheval, il y a une couille avec les invites. » Merci. Donc, dessin que vous pouvez retrouver dans la chatroom de Podcast Science et que vous pourrez retrouver plus tard sur le site podcastscience.fm. Très bien. Bon, alors on va enchaîner avec le deuxième groupe. Il faut reconnaître qu'il y a un petit problème technique, disons, qu'ils n'ont toujours pas terminé leur présentation, on n'a pas pu leur rappeler le fonctionnement de l'émission. Donc ils sont un petit peu perdus, ils arrivent au dernier moment, mais ils vont quand même faire de leur mieux pour présenter leur sujet. Ouais, on rappelle donc que tout ça est orchestré, animé et organisé par Robin. Je tiens à dire que là, c'est pas moi. Vous commencez par dire vos noms et puis après vous présentez votre sujet et puis ce que vous avez trouvé. Moi je m'appelle Idrissa. Moi je m'appelle Gani. Moi je m'appelle Salini. Je m'appelle Aloragan. Nous on a fait un projet de recherche qui part sur les rectangles et carrés. En fait, si on part d'un rectangle et on doit faire le maximum de carrés dans ce rectangle, et à chaque fois, en fait, à la fin, on doit avoir un nombre entier. On n'est pas. Pour l'instant, non. Ah, si, je vous ai vu présenter. Mais les carrés les plus grands possibles, c'est ça? Ouais, voilà. D'accord. On essaye d'avoir un maximum de carrés les plus grands possibles à l'intérieur du rectangle. C'est-à-dire, ouais, d'accord. Si on a un rectangle qui est deux fois plus grand ou plus long que large, on va mettre deux carrés dedans, quoi. C'est ça? Oui. D'accord. Ouais. Exemple, à partir de ça, on peut faire un codage. Exemple, le plus grand carré, on va le mettre le nombre 1. Et si on a deux carrés de même, si on a deux carrés de même dimension, exemple, ça serait 2. Et si on a 3 petits carrés, on va leur mettre 3. Après, ça fait un codage de 1, 2, 3. D'accord. Donc, on découpe un rectangle, on met des carrés dedans, on en met le plus possible et on associe un nombre. Ok. Donc, ça fait juste un nombre pour un rectangle. Et qu'est-ce qu'on fait de ce codage? Quelle était la question? Ah, parce qu'à partir de ce codage, on doit retrouver les dimensions des rectangles. Exemple, si j'ai un rectangle de 16 sur 5, et à partir du codage, je dois retrouver le 16 sur 5. D'accord, il faut retrouver à partir du codage. Mais alors juste le nombre de carrés qu'on peut rentrer dedans, c'est pas suffisant pour... Parce qu'on peut avoir plus long. Parce qu'avec ce codage, ça nous permet d'avoir une fraction réductible. C'est-à-dire cette fraction, on ne peut plus la diviser. Ouais. Et en multipliant cette fraction, exemple, par d'autres nombres, on se retrouve avec des nombres différents, mais qui ont toujours le même codage. D'accord. Alors, plutôt que de rigoler à côté, si vous arrivez à expliquer mieux, allez-y, hein, parce que j'essaye de comprendre. Là, j'arrive pas à tout comprendre, mais... Bah, pour faire simple, en fait, on part sur le principe d'un codage. Et avec ce codage-là, on essaye de retrouver les dimensions d'une... par exemple, d'une feuille A3, par exemple, qui est de 297 sur 210. Mm-hmm. Bah, on essaye de retrouver ce codage, mais... Ce qui n'est pas simple, c'est que dans toute cette manipulation, il faut faire plein de d'opérations pour retrouver les carrés qu'on a eu dans la construction. Ouais. En gros, l'idée, on est d'accord, c'est d'associer un codage qui est fait à partir des plus grands carrés qu'on arrive à rentrer dans un rectangle. Oui. On veut pouvoir coder la forme d'un rectangle, la taille les proportions d'un rectangle. Oui, c'est ça. D'accord. Mais c'est ça, vous recommencez avec le reste. Oui. Et c'est ça que vous avez pas dit. Oui. On met les plus grands carrés dedans. Et après, on continue. Et après, on recommence avec le rectangle qui reste. D'accord. Donc un jour, ça se termine. Bah oui, dans un certain cas. Après, si on a racine de 2, on peut dire que ça ne va pas s'arrêter. On trouvera toujours deux petits carrés à la fin. D'accord. Donc, dans certains cas, genre par exemple, si j'ai un rectangle deux fois plus long que large, ça s'arrête dès le début. C'est en gros, si j'ai un rectangle qui est deux fois plus long que large, ça va faire 2 et puis ça s'arrête, quoi. D'accord. Si c'est un carré, ça fait 1 et ça s'arrête. Ça s'arrête. Voilà. Et y a d'autres situations. Et donc, si c'est 1 et racine de 2, ça s'arrête jamais. Non. D'accord. Ok. Non, ça te paraît pas clair Non, je suis fasciné. J'essaie de me faire une représentation mentale du truc. J'avais un peu de peine à suivre. Bon, j'essaie de tweeter en même temps, de suivre les dessins, tout ça. Donc, du coup, ça aide pas. Mais pour toi, ça a l'air parfaitement clair, en fait. J'ai vu un bout de leur présentation. Ah, mais d'accord. Vraiment, j'ai vu une minute. C'est pour ça que tout d'un coup, je me suis dit, c'est ça le truc. Je crois qu'il recommençait. C'est pour ça que j'ai compris. Et donc, vous avez trouvé quoi alors, ouais? Oui, donc on s'est posé aussi d'autres questions. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur si c'était possible d'avoir un même codage pour pour deux constructions différentes. Pour deux rectangles différents. Oui, pour deux rectangles différents. Et j'ai constaté que c'était vrai. Enfin, j'ai trouvé que c'était vrai. C'était vrai, c'est-à-dire c'est possible ou c'est pas possible? Oui, c'est possible. D'accord, on peut avoir deux rectangles différents qui ont le même codage. Ah oui, donc ça c'est gênant ça quand même pour le problème, d'accord? Et voilà, c'est c'est possible quand on a le même coefficient, c'est-à-dire par exemple 13 cinquièmes et 26 dixièmes. D'accord, donc quand c'est la même forme, c'est juste plus grand ou plus petit, c'est la même proportion. Oui, voilà, d'accord. C'est la même proportion. Moi j'ai fait ça. Ah, toi t'as d'autres trucs à dire? Bon, alors vas-y, redonne-lui alors. Après, à partir du rectangle, on devait retrouver le codage et on peut le faire avec une division euclidienne. D'accord, donc sans avoir à dessiner les carrés dedans en fait. Ouais, sans avoir à dessiner. Juste carré. Avec les proportions, les dimensions du rectangle, tu arrives à retrouver le codage sans avoir à faire les dessins de rectangle dedans. D'accord. Et en fait, quand on fait la division euclidienne, en fait c'est le quotient qui devient un nombre du codage. D'accord. Exemple, si on fait 13 divisé par 5, c'est, exemple, c'est 2. Qui devient un nombre du codage. D'accord, parce que 13 divisé par 5, je le fais pour ceux qui comme Alan, qui ont un peu du mal. Hein. 13 divisé par 5, ça fait 2, quelque chose. Donc on prend le 2. C'est ça? On prend le 2. D'accord. Et puisque le reste, c'est 3, comme le reste, c'est 3, on fait passer le reste devient diviseur, et le diviseur devient le dividende. D'accord. C'est-à-dire et on recommence. On recommence. Et à chaque fois, ça donne le nombre de carrés qu'aurait donné le codage. C'est ça? D'accord. Et on arrête si on trouve 0 comme reste. D'accord, oui, ça veut dire qu'en fait, c'était un carré qui restait. Voilà. D'accord, impeccable. Et vous avez trouvé encore d'autres choses? Vous voulez encore dire d'autres choses ou... Avec racine de 2. Mais on l'a dit déjà. Ouais, avec racine de 2, ça s'arrête pas, ça, on a compris. Non, mais après, pour trouver des nombres approchés de racine de 2. Ah, du coup, ça vous permet de calculer des valeurs approchées de racine de 2. D'accord. Moi, pour ce sujet, moi, j'ai pas d'inquiétude, je vais juste dire un truc. Le sujet, il tourne en rond, hein. C'est incompréhensible. Et voilà. Vous avez compris plein de trucs. On a compris, mais en fait, c'est que quand on fait notre projet de recherche, c'est qu'à chaque fois, dès qu'on constate un résultat, c'est qu'on retrouve toujours, la situation du début. Par exemple, quand on a la construction, à l'aide de la construction, on trouve le codage. Et après, on peut faire le codage pour retrouver la construction. Mm-hmm. Après, il y a aussi la division qui va nous aider à trouver le codage. Ouais, mais c'est bien, ça veut dire que tout marche bien, quoi. Ouais, voilà, mais ouais, c'est plutôt le bon sujet, le sujet, il tourne en rond et ça fait un peu mal à la tête, donc... Bon, bah apparemment, vous avez quand même trouvé des choses. Bon, bah merci, vous avez encore un truc à dire, là? Moi, j'ai encore un petit truc à vous demander. J'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire ça. D'un côté... Au début, c'est un peu de nervosité, etc. Parce qu'en fait, le sujet, on le connaît pas. Donc, on se dit, on va se débrouiller. Et après, au fur et à mesure, on a l'habitude, on a la confiance entre partenaires. On se dit, on va pas abandonner. Il faut qu'on termine le sujet. Il faut qu'on donne du résultat à ce qu'on a cherché. Et voilà quoi. Tu parles de collaboration avec les partenaires. En fait, c'est comme ça que ça s'est passé pour vous? Vous avez dû beaucoup coopérer, beaucoup collaborer, vous avez beaucoup discuté, beaucoup réfléchi ensemble? Le projet de recherche, en fait, c'est un groupe de plusieurs personnes où, en fait, ils travaillent sur un même sujet. Donc, il y a plus ou moins de la collaboration. Après, on se partage les tâches. Mais donc, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a pris le lead pour les réflexions. À un moment, il y a quelqu'un qui a un peu tiré l'équipe en avant ou... Vous étiez chef à tour de rôle? Comment ça s'est passé la collaboration? La collaboration, je dirais, c'est plutôt moi. C'est plutôt moi qui a un peu dirigé le travail. Mm-hmm. Parce que, comme on galérait au début, on ne savait pas comment diriger nos travaux. Donc, il fallait quand même une personne qui dirigeait tout ça. Donc, tu y allais. Voilà. Il fallait quelqu'un t'y aller. Bravo. Merci et bravo à toute l'équipe d'avoir suivi. Ouais, merci. Un petit point dessin là, il y a des choses, ça a inspiré là, les carrés, les rectangles. Là. Alors ouais, bon, le sujet était très graphique et je crois que c'était pas beaucoup plus évident dans la tête des dessinateurs que dans la mienne. Il aurait peut-être fallu qu'on assiste nous aussi à la présentation, mais enfin ça a quand même inspiré FIP. On voit un formidable dessin où un rond essaye de se faire passer pour un carré pour entrer dans un rectangle et on ne le laisse pas passer. Donc il pleure au racisme. On a également un entretien d'embauche, donc un DRH qui fait le récapitulatif de l'entretien, qui s'adresse au candidat en disant donc vous avez fait le tour de votre boulot de diviseur et vous voulez devenir dividende. Eh ben ouais. On a un très beau dessin de mail aussi, de nouveau, avec à nouveau un Robin qui a l'air un peu pensif. et donc, une explication. On part d'un rectangle et on doit avoir un max de carrés, les plus grands possibles dedans. Et Robin qui récapitule. Donc, en fait, on part dans des tripes du style un carré est un rond est un carré, mais avec des rectangles. Ouais. J'ai dit ça, non. Ok, bon, merci. C'est juste pour montrer l'état de ton cerveau, c'est ça? Bon, eh ben on enchaîne avec le groupe suivant. Bonjour, bienvenue. Donc vous vous présentez toutes les quatre et puis après vous expliquez un peu votre sujet et ce que vous avez trouvé dessus. D'accord. Bon, bonjour, je m'appelle Jeanne. Bonjour, je m'appelle Myriam et je suis au lycée Jean Renoir. Je m'appelle Kautar et je suis au lycée Jean Renoir aussi. Moi c'est Nina et je suis au lycée Jean-Baptiste de la Salle. Donc le sujet de recherche qu'on a traité est les amis d'Ascoudji. Les amis d'Ascoudji, c'est un peu comme la courte paille qu'on a en France. C'est un jeu japonais qui permet de décider au hasard qui va gagner un lot ou qui va faire les tâches ménagères. Oui, les tâches ménagères. on va dessiner sur une feuille des traits verticaux, autant qu'on veut, mais ils doivent être parallèles. Et entre deux traits verticaux, on va mettre des barres horizontales et qui ne doivent jamais être à la même hauteur. Le but du jeu, en fait, c'est qu'on va partir d'un point de départ et à chaque barre rencontrée, on va devoir la traverser. On fait des trajets verticaux. On part d'en haut d'une barre verticale. Voilà. Et dès qu'on rencontre une barre horizontale, on la traverse. Voilà. D'accord. Bon, et donc, on change de barre verticale. Voilà, c'est okay. Ça. Et donc, à la fin, on tombe... Ça fait penser à des jeux... Il n'y a pas des jeux vidéo comme ça aussi? Si, Mario. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Si. On est des... Parce que bon, tu peux donner un nom japonais à ça, mais c'est Mario quand même. Ouais, c'est Mario. Ouais. Non, en fait, c'est une variante. D'accord. Ok, vas-y. Et donc, à la fin, on tombe sur un résultat et on saura quelle tâche ménagère faire. Et donc, nous, on s'est dit que c'est pas du hasard et donc c'est mathématique. Et donc, je vais laisser la parole à mes camarades. Notre projet de recherche, c'était de prouver que deux personnes ne pourraient jamais se retrouver sur une même tâche. Une même tâche ménagère, en fait. D'accord. Donc, quand on part de deux points différents en haut, on n'arrivera pas au même endroit en bas, quoi. Oui, mais oui, voilà. Deux éléments, deux personnes différentes n'auront jamais... Ouais. D'accord. Voilà, la même tâche. Et donc, on a prouvé ça par des calculs. C'était un peu compliqué, mais bon, voilà. D'accord. Par des calculs? Enfin, oui, grâce à la bijection. La bijection, d'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est que la bijection? Parce que moi, je connais, mais... La bijection, c'est... Qui fait la tête, là. La bijection, c'est l'injection sur la... C'est l'injection plus la surjection. L'injection, c'est le fait que deux éléments différents ne puissent pas avoir la même image. Et la surjection, c'est le fait que tout élément de F F, c'est l'ensemble en fait d'arrivée. Et E, c'est l'ensemble de départ. Et c'est le fait que tout élément de F, il a un antécédent dans E. On ne peut pas, par exemple, s'il y a un élément dans F qui se retrouve tout seul, c'est que ce n'est pas une surjection. Puisque il n'est pas, enfin. Alors, je vais essayer de résumer avec votre histoire. Juste, j'essaie de... non, vous avez dit les choses, hein, mais je vois que derrière ça va pas du tout. J'essaye de le dire d'une autre façon. Je trouve que vous l'avez très bien dit. En gros, ça veut dire que toutes les tâches ménagères seront effectuées. Voilà. Et que toutes les personnes feront des tâches ménagères différentes. Voilà, c'est ça en fait. Il y en a un des deux, c'est la surjection. Il y en a un des deux, c'est l'injection. Quand on a les deux, c'est-à-dire que toute personne fait une et une seule tâche ménagère et que toutes les tâches ménagères sont bien faites par une et une seule personne. Et donc là, Myriam, elle va essayer de vous montrer qu'on peut répartir les... En fait, moi j'ai... En fait, on a aussi essayé de prouver qu'on pouvait choisir la trajectoire d'un Amidakuji en fait. En fait, si on connaît bien, on peut choisir qui va faire quoi, si on est malin. D'accord, on peut mettre les barres horizontales. On met les barres, au moment où on met les barres horizontales, on peut se débrouiller pour qu'on fasse le truc qu'on a envie de faire et pas autre chose. Voilà. D'accord, c'est bien et ça. Que même avec une infinité de jambes, on pourra toujours... Enfin, je ne vais pas expliquer parce que c'est très graphique pour l'expliquer, mais ouais. On pourra toujours décider où ira qui, en fait. Bah voilà, c'était notre projet de recherche. C'était votre projet de recherche ? Oui, voilà. Donc vous avez réussi à démontrer la question que vous aviez posée, qui était qu'il n'y a pas deux personnes qui avaient le même endroit. Vous ne pouvez pas nous donner même une idée de pourquoi ça marche C'est mathématique. Non, mais c'est mathématique. Mais... Juste une idée comme ça, je ne sais pas, un élément important dans votre démonstration, une idée que vous avez eue qui permet de le trouver, de comprendre pourquoi ça marche ou pas. Enfin, non, c'est trop compliqué à expliquer comme ça, sans dessin. Ça permet d'échanger deux personnes. Ouais. Une barre permet d'échanger deux personnes, donc... Oui, c'est-à-dire qu'une barre, quand elle est prise dans un sens par quelqu'un, elle est prise dans l'autre sens par quelqu'un d'autre. Voilà, et du coup, bah, il n'y aura jamais deux personnes au même endroit. D'accord. Et on avait d'autres questions aussi, par exemple, le nombre de clans d'Amidakuji. Mais ça, c'est facile, ça. Vas-y, explique, parle bien dans le micro. Par exemple, si on a 4 barres, il y a 24 permutations. Et c'est les 24 alors, permutations. Il va encore falloir dire ce que c'est. Hein. C'est genre des combinaisons, en fait. Bah, 1, 2, 3, 4. Des échanges. Voilà. Ouais, des. Ouais. Et. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4. Et on devait trouver combien de clans on peut avoir. Alors, qu'est-ce que t'appelles un clan ? Bah, une combinaison. C'est d'accord. Ça qu'il y avait dans l'énoncé. D'accord. Et le nombre de clans qu'on a par jambe. Par nombre de jambes. De barres verticales. Ah, le nombre de personnes qui passent par une même barre verticale, c'est ça ? C'est non. Pas grave. C'est pas ça, c'est pas grave. Il faut reconnaître que la sans dessin, c'est vraiment hyper hard. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ok, mais donc c'était une autre question et ça, vous avez réussi ou ça, oui. Vous avez encore des questions en cours ou vous avez répondu à toutes les questions que vous vouliez aborder là ? Normalement, on a répondu à tout. C'était une partie de notre stage, mais après, on a fait plein d'autres choses et c'était vraiment super quoi. Il n'y a pas que les amis d'Ascoli sur qui on a travaillé, on a fait des choses, mais on a rencontré des personnes. C'était bien quoi. D'accord. Non, mais là je parlais sur le sujet de recherche. Mais après le stage, oui, bah le stage, ça serait sympa qu'on en parle un petit peu tout le monde à la fin, de dire un peu ce que vous en avez pensé. On vous fera revenir une fois que tous les sujets seront passés. Ouais. D'accord. C'est bon là sur le sujet. Vous avez tout donné là. Oui. Si vous avez des questions. Est-ce que vous pensez que ça va vous être utile dans la vie de tous les jours de pouvoir démontrer... Si on joue à Mario, oui. Ouais. Cette histoire de montrer que les tâches ménagères n'incombent pas toujours aux mêmes personnes et que c'est démontré. Ah oui, c'est bien ça, parce qu'à la maison, c'est galère. Il y a moi, je trouve que c'est un bon moyen pour répartir les tâches. Moi, je trouve que ça devrait être plus utilisé en France. C'est mieux que la courte paille. Au moins, c'est aléatoire. Enfin, c'est pas vraiment aléatoire, mais... Merci beaucoup. Sur la chatroom, on a Topo qui comprenait pas trop injection et bijection, mais il comprenait bien la digestion, lui. Donc, la chatroom est bien là. La chatroom est là, tout va bien. Oui, parce qu'on vous avait pas prévenu, mais il y a des gens qui vous écoutent en direct depuis leur ordinateur. Ah bah bonjour tout le monde. Et il y a LJJ, un matheux qui vient souvent nous écouter, voire même qui vient parler parfois, qui dit que ces mathématiques, c'est l'équivalent scientifique de ces magiques. C'est vrai. C'est vrai. Bon bah merci. Bah, merci à vous. Ah, de rien, à merci tout à beaucoup. L'heure pour discuter du stage. Et puis alors, du côté des dessinateurs, curieusement, les tâches ménagères, ça n'a pas du tout inspiré Mel. On est resté, voilà, la feuille est toujours blanche. Par contre, ça a inspiré quelques lapins. Donc un lapin qui en félicite un autre parce qu'il a gagné un magnifique lot, il a tiré le gros lot. Et l'autre, le lapin un peu déçu d'avoir apporté son balai pour rien. Et puis, on voit également des lapins en interview. Donc, un lapin demande à l'autre, pouvez-vous détailler pour les auditeurs ? Et le lapin qui porte un chapeau de magicien répond, ben c'est des maths quoi. j'aime beaucoup là, parce que c'est vraiment ça, c'est des maths. Bonjour, alors vous allez présenter donc votre sujet de recherche, vous avez 5 minutes, d'accord? Vous voudrez participer à la parole, vous essayez de... Alors, on est à la radio, il n'y a pas d'image, on est d'accord? Et vous essayez de faire un petit peu rapide. Ouais, vous avez des notes, c'est bien, vous êtes pro, vous êtes les premiers à avoir des notes, là, on voit que vous êtes les meilleurs. Ouais, c'est plus que des notes, pour ceux qui ne voient pas, c'est presque un prompteur en papier, quoi. Donc voilà, donc, bah, si vous pouvez présenter votre sujet, puisque vous avez trouvé rapidement. Bah, bonjour. Déjà, peut-être vous pouvez vous présenter, vous faites passer le micro. Et parlez bien dans le micro. Hein. Bah, bonjour, en fait, moi c'est Youssef Soudji. Nous, on a le sujet sur la période trouble des fractions. Bonjour à tous, moi c'est Kabian Mathivanan. Et moi aussi, je travaille avec lui sur la période des fractions. Bonjour, moi c'est l'homme Nicolas. Alors moi, je travaille aussi avec eux et on travaille sur la période des fractions, qui est un phénomène très intéressant. Bon, va falloir nous expliquer ce que c'est alors. Bah, en fait, la période des fractions, c'est des fractions qu'on écrit. Alors c'est en fait, au début, on a des chiffres, comme par exemple 0,123, 123, 123, 123, à l'infiniment. Et en fait, on va prendre 0,123. Dans ça, on va prendre que 1, 2, 3. Ça va être la période qui est constituée de 3 nombres. Donc, on va garder 3 en tête. Puis, on va penser que si on met 1, 2, 3 sur divisé par 999, ça va nous redonner 0,123, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord, vous arrivez à retrouver la fraction qui donne le nombre... Oui. Oui, exactement. Voilà. Donc, on va répondre à plusieurs questions. Par exemple, est-ce que tout développement décimal correspond à un nombre rationnel? À quelle fraction correspond un développement de période? Peut-on déterminer toutes les fractions correspondant à un développement de période 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Et existe-t-il des fractions de n'importe quelle période? Juste, alors... je t'arrête. On est en train de parler à des gens qui n'y connaissent rien en maths. Ouais. Derrière toi, ou là, les gens qui nous écoutent devant sur Internet. Aussi. Et là, il y en a un aussi, qui a un micro, donc il peut poser des questions. Je pense qu'il y a au moins un ou deux mots qu'il n'a pas compris. Ouais, c'est vrai. Bon, d'abord, je n'étais pas sûr d'avoir compris au début de quoi vous parliez exactement. C'est bien la période des fractions. Ça n'a rien à voir avec une effraction. Non, pas du tout. En fait, la période des fractions. On est dans le 93. comme vous savez, en fait, les fractions, elles peuvent s'écrire sous forme décimale. Et parfois, les chiffres qui composent la forme décimale se répètent plusieurs fois. D'accord. Donc, quand on dit en forme décimale, c'est par exemple 0,75. Voilà, d'accord, par exemple. Et puis, ça, quand ça se répète plusieurs fois, c'est 0,666666. Ça, c'est une période. Voilà, ça, d'accord. C'est la période de 1. D'accord. Et le motif de la période, c'est 6. Donc, on a étudié le sujet et on a voulu voir est-ce qu'à partir de, par exemple, de l'écriture décimale, on peut arriver à trouver la fraction qui correspond à cette écriture. Donc, supposons X, qui est une écriture décimale de 0,D1, D2, D3, jusqu'à Dn, qui va se répéter plusieurs fois. Là, la période, c'est N. Le motif est composé de N chiffres. Ce qu'on va faire, c'est multiplier X par 10 puissance N, afin de décaler la période après la virgule. Pour prendre la partie entière. Donc ça donne D1, D2 jusqu'à Dn plus X. Et là, on va faire... Alors attends, là aussi, je vais peut-être le faire un tout petit peu plus doucement, parce que moi, je comprends, mais il faut dire que je connais déjà le film. Donc en gros, je prends sur un exemple, si on a par exemple 0,63, 63, 63 et que ça ne s'arrête pas, si je multiplie par 100 parce qu'il y a deux chiffres, on se retrouve avec 63, 63, 63, 63, c'est-à-dire le nombre de départ. Et donc, quelle que soit la période, si on décale de ce qu'il faut, on se retrouve avec un nombre entier, virgule, le nombre de départ. Oui, donc on va dire que c'est égal à 63 plus X. C'est ça. Donc là, oui, enfin, X. X est égal à 0,63, 63, 63. D'accord, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire passer le plus X de l'autre côté pour nous donner X fois 10 puissance N moins X, comme avant j'avais dit. Et là, on peut factoriser, puisqu'on a X comme facteur commun. Donc, on se retrouve avec X... facteur de 10 puissance n moins 1 qui est égal à D1, D2 jusqu'à Dn. Et à partir de là, on peut faire passer la parenthèse 10 puissance n moins 1 de l'autre côté pour donner la fraction D1, D2 jusqu'à Dn sur 10 puissance n moins 1. Donc on a trouvé la fraction. D'accord. Donc je le redonne avec l'exemple numérique pour ceux qui ont du mal à suivre avec les lettres, parce que c'est compliqué avec les lettres quand on n'a pas l'habitude. Merci Robin, mon nouveau meilleur ami pour la vie. Je suis bien bon. Hein. Donc par exemple, quand on a fait 63,63,63,63, ça veut dire qu'on fait ça moins x, ce qui veut dire 0,63,63,63,63. Et donc le x de départ, il est égal à... Oui, donc on a multiplié par 100. Il va falloir le faire vraiment dans l'ordre. Donc on a 100 fois x qui est égal à 63 plus x, c'est ça? Donc 99x est égal à 63. Donc x est égal à 63 divisé par 99. T'as pas été attentif au bon moment, toi. Non, c'est vrai, j'ai pas été attentif au bon moment, pile le 99 m'a perturbé. Mais ça m'a... Parce que t'as 100 fois x égale 63 plus x. D'accord. Donc 100 fois x et x de l'autre côté. Oui. Donc 99x est égal à 63. Donc x est égal à 63 sur 99. Je l'ai fait juste avec un exemple numérique, ils l'ont fait avec des lettres. 63 sur 99. Sur 99, excuse-moi. Pour le reste du monde. C'est en Suisse, hein. Excusez-le. Donc là, on a réussi à répondre aux quatre questions, puisqu'on a prouvé qu'un développement décimal périodique correspond à un nombre rationnel, puisqu'on a réussi à trouver la fraction. Oui, alors un nombre rationnel, voilà, un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction. C'est ça. La deuxième question, c'était à quelle fraction correspond un développement de période. Donc là, on a montré comment passer de la forme décimale à la fraction pour trouver sa fraction qui lui correspond. C'est la deuxième question. La troisième question, c'était peut-on déterminer toutes les fractions correspondant à un développement de période 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, 5 ou 6. Donc ça, c'est bon, on l'a fait aussi. Vous l'avez fait, bah là, vous n'avez pas expliqué comment là. Là, c'était une période n. Ah oui, d'accord. Donc, ah oui, et il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire, pour n'importe quelle période. Pour n'importe quelle période, cette formule fonctionne. D'accord, mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez avoir tous les nombres qui ont une période de cette taille-là en faisant ça? Quand? Si je prends un nombre. Ah oui, bah oui, ça marche, d'accord. Oui, non, ça marche, je dis des bêtises, d'accord. Oui, pardon. Et la dernière question, c'était existe-t-il des fractions de n'importe quelle période? Bah, à partir de là, on peut inventer n'importe quel chiffre décimal pour obtenir sa fraction. Donc vous avez tout fini, quoi? Oui. Et il n'y en a qu'un qui a parlé? Non, non. Nicolas, je passe. Alors maintenant, on passe à trois types de questions qui sont liées les unes les autres, mais cette fois-ci, c'est... Alors, je vous dis les questions. Que peut-on dire de la période d'une fraction donnée? Est-ce qu'elle ne dépend que du dénominateur? Et si oui, quelle est la relation avec ce dénominateur? Alors, pour commencer, on a pris pour A et B des nombres réels, B qui est premier... Juste un truc, j'ai l'impression que tu vas rentrer vachement dans les détails. Et on a très peu de temps. Donc, essaye de te concentrer sur la question qui était posée et sur comment vous avez répondu, quoi. Parce que là, sinon, on va faire l'émission qu'avec vous. Donc, votre question, là, c'est que pour dire la période d'une fraction donnée. C'est-à-dire, on a la fraction, est-ce qu'on peut directement voir quelle période elle va avoir? Ouais, c'est ça aussi, mais il y a aussi... est-ce que la période dépend que du dénominateur? D'accord. Bon, en fait, oui, elle dépend que du dénominateur. Mais pourquoi? Parce que... Je vais prendre un septième. Par exemple, pour un septième, un septième, si on divise 1 par 7, ça fait 0,1, 4, 2, 8, 5, 7. En faisant la division euclidienne, on voit que le reste se répète. C'est-à-dire que on pose 1 sur 7, ensuite on voit que le premier reste c'est 10, donc après on continue la division, puis on voit que le reste 10 se répète. On va retomber sur le même reste au bout d'un moment. Voilà, on tombe sur le reste, on va appeler le reste n, qui se répète donc n fois. Qui se répète, oui, voilà, n fois. Donc on peut établir avec ça une formule qui fait a fois 10 puissance n est égal à b fois la période plus rn. Alors, fait rn, c'est égal à a, puisque a c'est le nombre de fois que la période se répète. J'ai peur que pour la radio, ça soit un peu compliqué, puis là, l'heure tourne, et j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de... Il y a encore un groupe qui attend derrière. Juste, il y a moyen de résumer en quoi ça dépend du dénominateur? Tu dis oui, ça dépend du dénominateur, c'est-à-dire suivant la taille du dénominateur, suivant la forme du dénominateur, on va pouvoir savoir quelle est la taille de la période, des choses comme ça ou, Le dénominateur influe tout simplement sur la période. Puisque... Donc il suffit de connaître le dénominateur pour savoir quelle est la taille de la période. Oui, en quelque sorte. On n'a pas beaucoup creusé à ce niveau-là. On a juste remarqué que pour n'importe quel dénominateur premier, ce dénominateur moins 1 sera un diviseur... De la longueur de la période. De la longueur de la période. D'accord. Ok. Et vous avez réussi à démontrer ça? Oui. C'est-à-dire, par exemple, pour un septième, comme dénominateur, un septième, donc 7, c'est bien un nombre premier. Si on fait 7 moins 1, ça fait donc 6, et la période est bien égale à 6. Et 6, c'est bien diviseur de 6, ça fait 1. D'accord. Bon, c'est un beau résultat déjà. D'accord. C'est un lien, on a réussi à trouver un lien entre la période et les dénominateurs. D'accord. Très bien, mais vous n'avez pas complètement fini, quoi. D'accord, mais vous avez déjà trouvé pas mal de choses. Il y a d'autres choses encore, d'autres questions que vous aviez posées ou... Non, c'est bon. Non ? Les valeurs mixtes aussi. Ouais, ah, il y a encore d'autres choses. Bon, on va peut-être s'arrêter parce que là, l'heure tourne. J'ai peur que là, on déborde vraiment beaucoup trop. Merci beaucoup. Et puis, on va accueillir le groupe suivant. Est-ce que ça a inspiré les dessinateurs, ces histoires de périodes, de fractions et de choses Oui, bon, les dessinateurs sont avant tout des artistes. Hein, donc, ils sont... voilà. Et, ils sont dans leur propre référence, leur propre univers. Donc, on a un lapin qui se prend pour Jackson Pollock dans sa période fraction et qui dessine des fractions partout. Voilà. Sinon, on a de nouveau des lapins en interview. L'intervieweur dit merci d'être bref, on vous écoute. Et l'interviewé répond la réponse est 2. Voilà, voilà. Ça, c'était pour les lapins. Et du côté de Mel, on a aussi un très beau dessin. Donc, on a de futurs chercheurs, des pros de la com, qui ont des notes prompteurs. On se demande ce qu'ils font encore au lycée. Donc, on les voit en pleine préparation. Check oreillette, 1-2, 1-2, prompteur papier, check. Ben, on est prêt pour l'interview. En tout cas, merci messieurs de votre niveau de préparation. C'était parfait. On va changer un tout petit peu le cours. On était censé démarrer par une interview du fondateur de l'association. D'accord. Qui n'était pas libre, qui va bientôt ne pas être libre et qui peut avoir 3 minutes avec nous. Donc, François, je te laisse présenter un peu l'association et le stage. Rapidement, en 3 minutes, c'est toi qui sais combien de temps tu veux prendre. Oui, l'association Sciences Ouvertes, c'est une association qui a été créée pour essayer d'attirer les jeunes, en particulier de Seine-Saint-Denis, plus largement sur la région, en particulier des quartiers défavorisés, vers les sciences, pour tous les âges. Et puis, quand ils ont envie de s'y consacrer, d'y faire leurs études, les aider dans ce sens, pour créer en particulier un noyau de réussite. Ce qui est important, par exemple, dans un département comme celui où on est ici, et c'est pour ça que le stage Sciences Ouvertes à Paris 13, on le destine exclusivement aux élèves de Seine-Saint-Denis. C'est important de créer des noyaux de réussite dans un département comme celui-là, en particulier en sciences, pour y créer une nouvelle dynamique et éviter un certain exode des élèves qui ont des projets de réussite scolaire, qui contribuent à la ghettoisation du département, à une certaine fracture sociale, si on peut dire, en tout cas territoriale. Et voilà. Quant au stage, c'est un stage qui est organisé avec des chercheurs. Par exemple, là, ici, il y a Rémi qui est à côté de moi. Et il y a Cyril là, qui est reparti parce qu'il y a eu un bébé récemment et quelques autres. Donc, on est en moyenne 4 à 5 par séance. Et on fait à la fois des cours ETD pour qu'ils voient que, ma foi, les maths, ça peut être un petit peu ardu puisque c'est centré principalement sur les maths, mais que ça peut être passionnant même quand c'est ardu. Et puis, des ateliers de recherche dont on a procédé à la restitution il y a quelques minutes. Enfin, ça s'est fini il y a 20 minutes à peu près. Des ateliers par groupe de 4 sur des sujets comme ceux que vous venez d'entendre. Et puis, des visites, des conférences. On a eu des conférences absolument géniales puisque c'était que de l'exploration. C'était une petite visite au Sélacanthe avec le chercheur qui a organisé des recherches en eau profonde pour montrer qu'on pouvait y faire des recherches directement avec les sélacanthes. Un astronaute qui a passé 2 mois dans la station internationale, voilà, dans l'ISS. Un biologiste, directeur de recherche au CNRS, qui, sur ses loisirs, fait des randonnées en autosubsistance au-delà du cercle polaire, et qui en plus nous aide, il organise des stages ADN, etc. Et puis une visite dans les labos de Paris 13, et puis une visite au Palais de la Découverte avec Robin, là, que vous avez entendu, et puis je ne sais pas, quoi, enfin plein de trucs. Et alors je pense que les jeunes sont enchantés, mais je dois dire que ceux qui les encadrent le sont peut-être encore plus, et c'est pour ça qu'ils reviennent régulièrement. Voilà. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, les jeunes, on va les interviewer après pour savoir ce qu'ils pensent du stage, mais c'est bien que tu ne sois pas là, justement. Ils vont pouvoir dire ce qu'ils pensent. Bien, bonjour, bienvenue. Donc, le groupe suivant. Le dernier, si je ne dis pas de bêtises. Non, il y en a d'autres qui devaient passer après. Ou... Vous êtes les derniers, donc voilà. Vous avez 5 minutes pour présenter votre sujet de recherche, ce que vous avez trouvé dessus. C'est de la radio, il n'y a pas d'image. Vous essayez d'être le plus clair possible, de parler un petit peu tous. Ça va aller ? En fait, notre projet... Est-ce que vous pouvez vous présenter avant ? Oui. Vous dites comment vous appelez ? Bonjour, je m'appelle Akbar. Bonjour, je m'appelle Eliane. Je m'appelle Melink. Je m'appelle Alunata. Je vais présenter notre projet de recherche. En fait, c'était un jeu qui s'appelle les petites règles. En fait, c'est constitué de 10 petites règles numérotées de 1 à 10. Le but du jeu, c'est... En fait, il y a un arbitre, il va choisir un nombre entre 1 et 54. Et il y a deux joueurs. Si le premier joueur, s'il dépasse, il va perdre. Sinon, et l'autre, il va gagner. En fait, il ne faut pas dépasser le nombre choisi par l'arbitre. Pourquoi 54 le maximum? Parce que si on choisit 55, parce que c'est pas possible, parce que 1 plus 2 plus 3 plus 9 plus 10, comme ça, ça va faire 55. Donc si on choisit 55, il n'y aura pas de gagnant, quoi. Bon, en fait, il y a plusieurs stratégies et explications pour ce petit jeu. Par exemple, de 1 à 10, le premier joueur est forcément obligé de gagner s'il n'est pas vraiment très bête. Parce que comme il y a 10 réglettes, si on choisit un nombre au hasard, par exemple 5, c'est sûr que le premier joueur va gagner. Puisque s'il prend 5 direct, il pourrait gagner. Oui, l'autre va forcément dépasser. Même avec 1, il passe au-dessus de 5. Oui. Ouais. Ensuite, pour le nombre 11, c'est forcément... Enfin, on peut dire que c'est le deuxième joueur qui a le plus de chances pour gagner. Pourquoi ? Parce que comme il y a 5 paires, en gros, le 1 il va s'associer avec 10, le 2 avec le 9, le 3 avec le 8, le 4 avec le 7 et le 5 avec le 6. Peu importe ce que le premier va choisir, le deuxième il a que à compléter. D'accord, donc en fait c'est pas il a plus de chance, il est sûr de gagner en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois il peut s'arranger pour que la somme des deux premiers nombres qui ont été tirés fasse 11. Et donc, le premier joueur, il est obligé de perdre après, quoi. Oui. D'accord. Et pour 13, 15, 17 et 19, si c'est le premier joueur qui va gagner. S'il choisit les chiffres plus petits que 3, 5, 7 et 9. Pourquoi? Parce que si pour 13, le premier joueur qui choisit 1 et 2, il ne peut pas choisir 3. Sinon, le deuxième joueur... qui va choisir 10 et c'est le deuxième qui gagne. Et s'il choisit 4, le deuxième joueur qui choisit 6, 4 c'est 9. Donc c'est, il faut choisir que plus petit que 3 parce que si le premier joueur qui choisit plus petit que 3, c'est par exemple s'il choisit 2 et l'autre il choisit n'importe quel chiffre, il va perdre parce que si le premier joueur il choisit 2, il reste 11. Et s'il choisit 10, il reste 1. Oui, il reste toujours de quoi faire 11. Ouais. Ouais. Pour ces chiffres, c'est le premier joueur qui a gagné. Et pour les chiffres 14 et 18, c'est aussi le premier joueur qui gagne. À chaque fois qu'il commence, il a une stratégie qu'on appelle la stratégie gagnante. C'est de diviser par deux les chiffres de départ. Par exemple, pour 14, on le divisera par 2, ce qui fera 7. Et il n'y aura plus le complément de 7. Et il sera obligé forcément de choisir entre 6 et 1. Et le premier joueur il pourra toujours compléter pour faire 7. Ensuite, pour le chiffre numéro 21, par exemple, c'est le premier qui gagne. Pourquoi ? Parce que comme on a démontré tout à l'heure, pour le 11, c'est le deuxième joueur qui va gagner. Par exemple, ceux qui choisissent, il va le compléter. Par exemple, pour le 21... Si le premier joueur il choisit 10, il reste encore 11. Donc on fait la même chose qu'avant. Par exemple, s'il choisit 9, il restera encore 2. Il prend direct et puis voilà. Donc là, vous avez trouvé des stratégies gagnantes pour plein de cas, d'accord? Après, si c'est un nombre quelconque, pair ou impair, on a des stratégies. Par exemple, si c'est un nombre pair, par exemple 32, en fait, on essaie de réduire le plus vite possible et ramener à un nombre après... auquel on peut prendre un nombre entre 1 et 10, en fait, qui va faire la moitié du nombre choisi, en fait. Donc, par exemple, si pour 32, on va prendre un nombre pair, ça, 32 moins 8, ça va faire 24. Après, 24 moins un autre nombre, par exemple, 24 moins 8, ça va faire 24 moins 10, ça va faire 14. Et après, on pourra prendre 7. Et après, on aura plus de chances de gagner, quoi. Plus de chance, en fait, c'est pas plus de chance, c'est on est sûr. Hein. Genre, parce que vous dites plus de chance à chaque fois, en fait, vous êtes certain. On m'a dit là qu'il fallait vraiment accélérer le mouvement, qu'il fallait finir l'émission. Malheureusement, on va pas pouvoir avoir la discussion que j'espérais avoir un peu avec tout le monde, mais C'est bien, tu as déjà posé des questions un peu, Alan, au précédent. Donc, je suis désolé. Donc là, vous avez vraiment, pour tous les nombres entre 0 et 54, vous avez trouvé des choses? Vous avez fini le sujet, là ou... Non, en fait, pour les nombres à partir de 30 et tout, y a plusieurs possibilités. Mais par contre, pour le dernier 54, c'est toujours le premier qui gagne. Parce que si on prend... C'est entre 49 et 54, c'est toujours le premier. Et le 55, comme il n'y a que 55, c'est sûr que c'est le deuxième. Mmh. Ouais. Ah. En fait, pour de 49 à 54, c'est sûr que c'est le premier qui va gagner, peu importe ce qu'il choisit au début et tout ça. Ensuite, pour le 55, c'est sûr que c'est le deuxième qui va gagner. Enfin, le 55, il n'y a personne, puisqu'en fait, quand tout le monde a tout pris, on est à 55 et on ne le dépasse pas, quoi. Oui, mais c'est le deuxième aussi. C'est quand même le deuxième, d'accord, il a quand même gagné. D'accord. Et mais donc, vous n'avez pas fini tous les cas. Il y a encore des cas qui vous résistent un peu, quoi. Voilà. D'accord. Il y a plusieurs possibilités. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas, peut-être tu veux poser un peu des questions Comme on n'aura pas eu l'occasion de faire le wrap-up avec tout le monde et demander comment ça s'est passé, du coup, j'en profite vite pour vous poser la question à vous. Le stage s'est bien passé? Vous avez pris du plaisir? Ça ressemblait à ce que vous imaginiez? Oui, c'était génial. Par exemple, pendant la sortie au Palais de la Découverte, c'était génial parce qu'il y avait plein de choses, de la science et tout. Et j'ai adoré ça. Tu n'étais jamais allé encore? Non, c'était la première fois. Et il y avait un jeu sur l'électricité, en fait. Quand ça... y a un monsieur, en fait, il nous met en contact avec l'électricité. Après, les charges, ils viennent sur nous. Et ouais, voilà, les cheveux, ils se dressent tout. Voilà, c'était marrant. C'était génial, en fait. Et sur le reste du stage, et vous avez des choses aussi le stage, vous avez apprécié? En fait, c'est un stage qui est plutôt impressionnant. Parce que tu vois, vous voyez, par exemple, il y a des sorties que c'est pas obligé que tout le monde peut faire des sorties. Pourquoi ne pas profiter? Ce stage est bien j'aime le sport comme l'escalade, il est trop bien. Ah oui, vous avez aussi fait du sport. Ouais. Mais là, vous êtes en train de parler de tout sauf ce qui s'est passé, les ateliers, les cours, tout ça. Ça, par contre, vous en parlez pas beaucoup. Hein. Ça, c'était moins bien. Le sport et en danse aussi, c'est trop bien. La danse, vous avez fait de la danse? D'accord. On apprend. Toi, tout le reste, tout ce qui n'est pas la science, t'as bien aimé, quoi. Non. Ça va. Après, les cours, en fait, c'est bien parce que les profs, quand on a des difficultés, ils nous expliquent et tout. Cette fois, on a travaillé sur l'infini et tout. Et on a fait des exercices compliqués qu'on ne pourrait pas faire avec l'école ou nous tout seuls. Eux, ils nous expliquent, par exemple, par exemple, l'infini plus l'infini ou quelque chose comme ça. Après, ça fait toujours l'infini et... On vous a fourni de l'aspirine aussi quand on vous a parlé des infinis plus grands les uns que les autres? Ça faisait pas trop mal à la tête? Non, ça va, c'était bien. Après, c'était à nous de décider, en fait, si on veut s'améliorer en science et tout. D'accord. Et vous avez voulu faire ce stage pourquoi, d'ailleurs? Moi, c'est ma prof qui m'a dit, en fait, avant, je savais pas. Et après, j'ai trouvé ça génial. Et je voulais remercier ma prof, Madame Becker. Et vous avez eu envie de le faire? Vous avez entendu parler? Vous attendiez un peu à ça comme stage ou ça vous a surpris? Non, c'est ma camarade. Oui. Il m'a dit ça. Elle a dit c'est intéressant. C'est bien ce D'accord. stage. Ah, elle l'avait déjà fait? Ouais. D'accord, elle l'avait fait l'année dernière? Ouais. D'accord. Moi, c'est mon prof de maths. Et comme je voulais pas m'ennuyer chez moi, je suis venue. D'accord. C'était au lieu de t'ennuyer chez toi? Moi, c'est ma prof de maths, Madame Chomic. Elle m'a demandé de venir pour faire le stage, parce qu'elle a trouvé... Mais t'as bien voulu aussi, quand même. Oui. T'as eu envie, quand même. Oui. Bon, d'accord. Merci, on va peut-être finir là-dessus. Merci beaucoup. Vous avez l'air radieux, en tout cas. Là, on est... C'est de la radio, du coup, on voit pas vos visages. Mais vous avez l'air enchanté de ce stage. Et ça fait plaisir à voir. Bravo. Merci beaucoup. Bah, allez à vos diplômes, là. J'explique un peu la situation aux gens qui écoutent le live. En fait, à la fin du stage, il y a un diplôme qui est remis à tous les participants par le directeur de l'université et tout ça. Il y a tout le gratin qui est là, qui est arrivé. Donc, on m'a dit gentiment que là, il fallait vraiment finir parce que la cérémonie avait commencé. Donc, c'est pour ça que là, c'était plus possible de continuer. Moi, j'aurais vraiment beaucoup aimé continuer à discuter avec eux. Je vais... j'étais très motivé de toute façon. J'ai fait des enregistrements de l'année dernière, de la séance de séquence de l'année dernière, que j'ai toujours pas monté parce que j'ai jamais le temps. Ah, c'est toi qui fais le montage ? Ouais, c'est moi qui fais le montage, c'est pour ça que ça marche pas. Mais j'avais, en plus, j'avais fait un peu la même chose. Je leur avais demandé d'expliquer leur sujet de recherche et je leur avais demandé aussi pourquoi ils avaient fait le stage, machin et tout. J'avais eu des réactions qui étaient absolument géniales, beaucoup plus enthousiastes que le dernier groupe qu'on a eu aussi sur l'aspect science. Genre, quand on leur avait demandé, quand je leur avais demandé pourquoi ils avaient fait le stage, c'était parce que c'est trop bien les maths. Mais pourquoi ? Parce que c'est trop bien les maths. D'accord, ok. Et le stage, ça t'a changé l'image des maths ? Ouais, c'est encore mieux. Des trucs comme ça, quoi. C'était assez drôle. Donc là, on les a pas trop eu ceux-là, mais il y en a encore comme ça cette année. C'est vrai que le dernier groupe, là, ils étaient un peu moins à fond, ils étaient un peu plus timides et tout. Mais voilà, c'est vrai que c'est des choses qui sont sympas. C'est une super bonne ambiance, quoi. Ouais, voilà. Non, mais ça en a l'air. J'ai juste commenté le dernier groupe, mais ils avaient tous l'air radieux. Ils ont vraiment l'air d'avoir passé une super semaine. Oui, il faut savoir que là, ils sortent donc de 15 jours avec. Ils ont juste eu le dimanche où ils n'ont rien eu, et le samedi après-midi où ils ont la sortie au Palais de la Découverte, et le samedi matin de libre, quoi. Mais sinon, ils sortent de 15 jours pleins. Alors effectivement, ils ont parlé des sports et de tout, mais sinon ils ont eu 15 jours, on pourra mettre le programme sur le site de cours, TD, sorties dans des labos, conférences, ateliers de recherche mathématiques, etc. Et ils font la tête qu'ils font, quoi, donc globalement... Et ils étaient tous une tête super enjouée, beaucoup plus que donner l'impression, parce qu'ils avaient du mal à expliquer, mais ils étaient contents. Ils n'avaient pas l'air traumatisés en tout cas, et puis ce que je trouve bien dans ce projet, c'est que ça les sort des salles de classe, ça leur donne confiance en eux. Comme quoi, ils peuvent être capables de faire des sciences sans que ce soit non plus un truc atroce et contraignant et que ça peut être intéressant. Donc là, c'était Mel qui parlait. Mel, en fait, toi, tu es prof aussi, prof de sciences et vie de la Terre. D'accord. Et puis, tu constates aussi ce genre d'enthousiasme chez certains de tes élèves ou... ça dépend. On a un peu de tout, malheureusement. Oui, heureusement, plutôt. Mais il y en a qui ont vraiment une soif d'apprendre et qui ont envie d'aller au-delà. Après, bon, on n'a pas forcément le temps, c'est le problème. Ouais. Et c'est ce qu'ils disaient, là, on a eu des échanges avec certains d'entre eux, ils disaient, mais en fait, on fait du saupoudrage au lycée, et ouais, c'est le cas. Donc là, au moins, je pense que ça leur offre le moyen d'aller plus profondément dans les choses. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Et c'est en ça que ça les change des salles de classe, quoi. Ouais, parce qu'ils dépassent le côté barbant du programme, des trucs à apprendre par cœur, et puis... Mais surtout, on leur présente un truc et après, ils peuvent creuser et aller vraiment dans ce qu'il y a de plus intéressant. Parce qu'au final, là, c'était des classes de seconde. En sciences et vie de la Terre, le programme de seconde est super vaste et on est obligé d'aller super vite. Et du coup, je pense que ça doit peut-être titiller leur curiosité, mais comme on ne va pas au fond, ça reste superficiel. Donc, c'est pas non plus ce qui est... Ça peut être intéressant, mais ça pourrait l'être plus si on avait plus de temps et qu'on creusait. Quoi. Voilà. Ce qu'ils ont fait pendant ces 15 jours... Voilà. C'est vraiment l'impression que ça donne, effectivement. Oui, ouais. Puis ils étaient radieux. Ça fait plaisir, quoi. C'est génial. J'ai pas commenté les deux derniers dessins. Donc, on retrouve un lapin avec son chapeau de sorcier qui lance une incantation par le noyau tout puissant de la réussite. Et donc, c'est un dessin qui a été produit pendant la présentation De l'association par François. Ouais, voilà. Ouais. Et juste pour ajouter, il y a eu quelques dessins de Pouillot. Perso, je les ai pas vus. Je sais pas si toi, tu les as vus. Alors, j'en ai vu un. En tout cas, ils seront dans les notes d'émission, etc., rassemblés. Mais... Je crois que Lucille nous a fait un dessin aussi. Ah, d'accord, cool. Bon, on retrouvera tout ça dans les notes d'émission. On mettra tout ça dans les notes. Et pour reprendre le cours d'une émission podcast science plus classique, vous avez amené une côte ? Alors, je n'en ai évidemment pas amené, vous pensez bien. Oh, ben... Il aurait fallu que je demande à François s'il avait une pensée profonde un jour dans sa vie. Il a sûrement une citation de lui-même. Sinon, mais... j'en ai une. Ah, c'est bien, ça me fait plaisir. L'investiture symbolique du dictatif depuis 5 minutes. Mais il y a encore, t'as encore la description du dernier dessin avant ta côte, si tu veux. Ah oui, il y a un dessin encore. Ouais, le tout dernier dessin, j'ai presque envie de laisser son auteur le décrire. tiens, comme par hasard. Donc on est dans les toilettes des filles et il y a une fille qui discute avec une autre qui est dans les toilettes. Il y a une qui dit on joue au jeu des règles tous les mois et l'autre qui répond mais c'est pas super comme jeu. C'est voilà. Peut-être mieux que les élèves soient plus là, finalement. Ouais. C'est à dessein qu'il n'a pas été commenté en direct. Bon, et donc dans l'urgence, j'ai cherché une côte parce que je me suis dit qu'on n'allait pas faire un épisode sans côte, quoi. Et j'en ai trouvé une de Gérard Piel qui dit « The most remarkable discovery made by scientists is science itself. » Ça me paraît pas mal pour Science Ouverte. C'est bien. Donc la découverte la plus remarquable des scientifiques, c'est la science elle-même. Voilà. C'est beau. Ah, c'est splendide. C'est pas mal. Non, vraiment, c'est splendide. On peut s'arrêter là-dessus. Je crois que là, ça va. Coupe tout de suite. Voilà, histoire de toujours être mal organisé pour montrer que c'est une vraie émission organisée pour les matheux. Alors, pour l'anecdote, d'habitude, on a un conducteur bien structuré qui existe depuis 2 ans, 3 ans, par Alan. Robin a tout foutu en l'air, a fait un conducteur qui en ressemble plus à rien. Bref, et pour couronner le tout, j'allais vous parler de l'émission de la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, c'est David, donc on ne sait pas trop exactement de quoi il va parler. Du coup, en tout cas, ce sera mercredi. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Je sais pas si ça sera à peu près à 20h. Ce sera à peu près à 20h. 20h30, pardon. Et encore, quand c'est David, c'est des fois 21h. Donc... Ouais, non. Voire 22 ou 23h. Si voilà. Non, c'est censé être 20h30. Voilà, donc on se voit mercredi prochain. C'est bien là... comme promo, ça fait envie. Ouais, ça fait rêver. Mercredi prochain, émission par David. Ce sera donc sans doute la dernière émission de David avant un bon moment. Une des dernières émissions de Podcast Science, ça on n'est pas encore sûr. Peut-être qu'il y aura une émission la semaine d'après. Il y a une émission la semaine d'après. Donc c'est l'avant-dernière de la saison. Et voilà, non, ça va être cool. D'ici là, likez-nous, aimez-nous. Moi, je vais monter ça et je vais tâcher de le partager rapidement. Et puis voilà, d'autres choses à rajouter ? Que servir la science soit votre joie.